ouais sans cap j'évolue moi. J'suis brouillé par un tas de disciples. Mal de tête, j'fais du rap vu qu'y'a pas d'aspirine. Ok, dans mon tiercar y'en a pas mal qui disent que le rap est mort, mais t'as déjà vu un cadavre qui rime. J'avais des rêves, argent, belle femme, baraque, piscine. J'voyais la vie en grand bizarre, moi la rap d'ici. J'ai fait du mal, pardon car c'est inadmissible. Ça vient de ma ville et d'ailleurs, mais c'est du rap d'ici. J'écris puis j'récite ce qui est marqué sur ma lettre. Regarde, j'ai une armée ailée braquée sur ma tête. Douleur cicatrice, j'ai des blessures masquées. L'encre coule, mon stylo saigne, y'a des plaies sur le papier. Je rappe cher à boire pour noyer leur peine. Tu me dis que déchire, j'te réponds, c'est pas mon meilleur texte. C'est pour les potes de Sra, ouais. Avec l'accent vieille, sera inscrit avant l'album, donc faudra patienter. Ouais, j'immerge mon poteau, ça dit quoi, ça va? Non, ça va pas, ces temps-ci, j'm'apitoie pas mal. Ok, n'hésite pas, parle-en. Les trucs me tombent sur la gueule, des vieilles faces d'il y a 2 ans. Ah bon? Non, attends, ouais, écoute, c'est pas tout, c'est pas cool, j'fais des erreurs, et il est temps que je les avoue. Et ouais, mais regarde, vu les heures que j'ai dû perdre, chacun sa chance, dis-toi que l'erreur est humaine. Oh non, celui-là, c'est la goutte qui a fait déborder le vase. Ça va mieux quand sur ma page je fais des portraits d'oie. C'est sûr, moi de même je préfère Pera. Puis j'oublierai la réussite quand l'échec paiera. Je verse une goutte d'alcool, mettons-nous d'accord. Moi ma vie c'est un film en version tout accord. Si t'as compris ça, pour ta vie c'est gagné. Quand la balle est dans ton camp, t'as plus qu'à viser le palier. Même si ça sort du cœur, on vous demande pas d'aimer ça. Des rimes sur une page et j'y place des messages. Je m'en pique, c'est pas des espaces. Oui, quand je fais des erreurs, je me dis que le rap les efface. Même si ça sort du cœur, on vous demande pas d'aimer ça. Des rimes sur une page et j'y place des messages. Je m'en pique, c'est pas des espaces. Oui, quand je fais des erreurs, je me dis que le rap les efface. Quand ça va pas chez toi, le soir, ben tu pars en douce. Dis leur honneur, depuis qu'on rappe, le monde part en couille. Ouais, poteau, ça rend sourd, le rap de maintenant. Des salles s'enroulent, plongées dans le son avec les mains okay. dedans. Dis-moi combien de temps je pourrais tenir comme ça. Je marche à contre-vent avec mon training cause là. Et j'ai des rimes trop sales, au bord de la crise de collage. Moi, c'est coca, whisky, vodka, comme prise de morale. Faudra briser mon rap pour m'anéantir. Je fais les mêmes choses et je peux te dire que chaque année en pire. Mes rêves sont cassés en 10. J'ai plus l'envie de me battre, ouais j'ai la tête ailleurs. Mais dans ma ville je rappe frère, le temps passe. Je fume sur ma canne, je rêve toujours d'un appart avec vue sur la plage. J'aime planer, je me dis que c'est là peu qui m'aide. J'garde espoir malgré le peu qui me reste. J'place des messages dans ma tête presque vide. Prêt à braquer le bonheur quand on espère le vivre. Je laisse faire le temps, mais l'horloge tourne trop vite. Cessons de détruire l'avenir, faisons les ventes pour nos fils des fois. Je me demande quoi faire de ma vie. J'avoue j'ai pleuré pour une femme, ma propre mère de famille. Je vois les années passer comme une perte tragique. Prends mon scoot pour le 12ème, faudra mettre le tarif. On place des messages, on vous demande pas des messages. J'oublierai pas où j'ai grandi, les potes des tags et mes ça. J'avoue j'ai mal, je te l'aurais pas dit que te crois. À force de fuir mes problèmes, la collale me nique le foie. Ça pue la merde, comme si j'avais marché dedans. C'est l'effet boule de neige dans un petit sachet blanc. On a de l'ambition, mais c'est pas si sûr qu'on vend. Pour l'instant je rappe ma life, assis sur mon banc. Même si ça sort du cœur, on vous demande pas d'aimer ça. Des rimes sur une page et j'y place des messages. On s'en pique, c'est pas des messages. Oui, quand je fais des erreurs, je me dis que le rap les efface. Même si ça sort du cœur, on vous demande pas d'aimer ça. Des rimes sur une page et j'y place des messages. On s'en pique, c'est pas des messages. Oui, quand je fais des erreurs, je me dis que le rap les efface.